7. 7. Tu ne peux pas. J'ai une force. Non. Tu peux pas te déplacer. Ok, bah ok, bah. Je parce que la case suivante, il faut avoir. Bah je passe mon tour 10. Alors. Même si j'ai pas le choix, je pense. Ouais, là tu n'as pas l'opportunité. D'accord. Donc là, ça fait... J'aurais dû économiser, moi. C'est fou. 3... Oh, 5... Ouais. Laissez-moi passer. 7. Pousse-toi, toi. Oh, trop de graines dans ce corps. Trop de graines dans ce corps. Hop. Donc, à toi de lancer les dés, Xavier. Karma, s'il te plaît, laisse-moi pour cette fois. Karma. Fais attention. C'est quand on lui dit ça. Alors... 3... Et il, 4, a fait 7. Chose, il a fait la même chose que moi. 7. 7. En vrai, donc là, passer. T'as 14. Et c'est quel 14 de mouvement. Ici, c'est 4. Un sacrifice. Non. Un sacrifice. Donc, tu passes ton tour ou pas? Tu peux... À la fin de ce tour, il y aura un... Entre-temps, j'ai oublié, pardon. Parce que au niveau tactique, ça a son importance. 4 et 3, 7 et 2, 9. Bah, j'ai pas fait le tour. Donc, le... Si tu passes ton tour et que tu ne veux pas encourir de sacrifice, parce que là tu as la faculté de te déplacer sur la case suivante, là tu as 14 points, donc tu peux aller sur la même case qu'Alexane, mais tu consommes toutes les graines. Mais du coup ce sera un sacrifice. Alors, là, 14, tu peux aller te placer sur triomphe, puisque 4, 7 et 7, 14, donc 4 plus 10. Triomphe. Tu vas sur le triomphe? Attends. Ouais, triomphe. Donc tu peux sauter, en fait, la case sacrifice, tu te positionnes sur la case triomphe, mais si tu fais cela... Tu vas perdre toutes tes graines. Vous n'avez plus de graines, cela dit, elles étaient récoltées à la fin de cette instance. Elles seront récoltées à la fin de cette instance, celles qui resteraient, pour devenir de l'ivraie. En sachant que actuellement, la menace, le Horla, a suffisamment pour convoquer un autre de lui-même, puisqu'il a au total. Plus de 4 graines d'ivraie et que pour sortir il lui en faut 4, mais il lui faut aussi se déplacer sur la case 5, donc en total il lui en faut 9. Au prochain tour il aura au moins 3 points, donc il pourra se déplacer et libérer la case pour le tour suivant. Okay. Mais il peut aussi choisir de garder tout son stock d'ivraie ou récolter ce que vous auriez laissé d'ivraie pour vous rejoindre dans la case triomphe. Mais si c'est son tour, c'est lui qui empoche le triomphe. Donc, est-ce que tu risques... Est-ce que tu te risques à compter un triomphe pour toi, à ton bénéfice? Et que plus tard, tu n'aies plus cette ressource pour affronter le Horla qui s'approche. Alors le Horla, lui, il peut se déplacer, il va se déplacer là, oui, logiquement. Il peut se déplacer devant nous. Mais lui, il est libre, c'est ce que j'ai dit, il peut venir vous prendre ici s'il a suffisamment d'ivraie. Et s'il en a envie aussi. C'est un Horla psychopathe, il va attendre qu'on panique. Alors, panique. Quel est ton choix? Est-ce que tu sacrifie les 14 points d'ivraie pour les laisser à la menace Orla, ou nous comptes-tu un triomphe ? Je compte un triomphe. D'accord. Il va me manger. Il va me confondre avec un poulet. Il va te confondre avec un poulet. Je rappelle que tu peux convoquer dans un triomphe. Tu as ta petite carte correspondante hein, qui nous raconte ce qu'est... Un triomphe. Je peux... Dans mon instant, je dis comment je plie le monde à ma volonté. Et donc, là, j'ai fauté. J'aurais dû mettre une majuscule puisque c'est le décor et les figurants éventuels. Tu es libre de convoquer les figurants que tu souhaites. Moi, j'interviendrai, mais c'est toi qui as l'autorité sur cette scène, d'accord ? D'accord. Arrête de bramer, c'est vrai. Je me concentre pour savoir qu'est-ce que je vais faire. J'ai une idée, je vais pouvoir. Tout autour de toi, c'est la forêt immense, profonde et sombre. Une forêt où une fois que l'on s'éloigne un peu de la voie des chutes, jamais la hache d'un bûcheron n'a rencontré le tronc des vénérables qui poussent ici, en rang serré. Ce ne sont pas que de frêles et maigres bouleaux, mais une assemblée de feuillus au tronc épais et moussu, constellés de champignons qui prospère tels les furoncles sur le corps d'un contaminé. La forêt y est si dense, si drue, qu'à moins de se trouver sur la ligne de crête, on ne devine même pas le ciel. Au travers de la canopée. C'est une forêt humide, ruisselante des pluies que déverse sans cesse la masse nuageuse qui se presse dans les trous. Au haut des arbres. La voie déchue s'éloigne en contrebas, serpente dans la masse inextricable de bois. Au loin, dans cette petite vallée, de part et d'autre de la voie déchue, il y a comme de petits chancres purulents mais qui peinent à s'étendre. Des champs entourés de vagues palissades. Et autour de ces palissades, c'est très loin. Ah. Si tu veux t'y rendre, tu l'indiques et tu indiques comment et pourquoi tu t'y rends. Mais c'est très loin en contrebas dans la vallée. Ah. C'est à plusieurs jours de marche. Une charrette passe juste à côté de moi. Une charrette ? Qui est tenue par des ouros. Mais lorsqu'il me voit, ils avaient l'air si confiants d'eux. Je les plains, franchement. J'avais limite un peu de tristesse. J'étais un peu triste pour ce qui leur arrivera s'ils me toucheront. Ces débiles se sont approchés. Ils ont commencé à me pointer, à essayer de m'attraper. Mais ils ont senti cette rouille commencer à les ronger, à les manger. Ce ver qui les mangeait petit à petit. Et je vis sur leur visage la terreur s'afficher. L'autre garde qui lui protégeait la charrette vit son camarade tomber à terre. Tomber par terre comme un cadavre qu'on vient de chasser. Alors, il s'approcha tout en me pointant. Je continuais de sourire. Et extorsionné, mutatorium, extorsionné, mutatorium. Je l'attrape par le cou. Extorsionné, mutatorium, valetro. Je l'écrase contre la charrette. Valetro. Voilà. Et je regarde ce qu'il y avait dans la charrette. Et il se trouvait qu'il y avait plein de chimères. Plein de petites proies. Plein de petits steaks. Mais ils étaient pas cuits. C'est triste. Alors je les ai tous laissés partir. Et les deux hommes, je les ai mis dans la charrette. Et certaines des chimères ont pris les habits des ouros et sont parties vers la forteresse pour ramener les cadavres des gardes. Quelle forteresse ? Repère. Là leur où. Leur campement ? Oui. Lorsque les gardes virent les cadavres dans le chariot et moi au loin leur souriant, ils furent totalement désemparés. Ils se demandaient si c'était un cauchemar, et si c'était un cauchemar, ils voulaient juste une chose, se réveiller. Et les chimères purent avoir leur revanche. Ils venaient de la ville de Kiev. Ce sont des membres de ce que tu as dit de des gardes qui sont les gardiens de la vraie foi. Tu as entendu les paroles du mort va des rétro. Ils avaient l'un et l'autre un écusson sur l'épaule, une grande croix ancée rouge, symbole de leur foi. L'assemblée de chimères que tu as libérée s'est tournée vers toi. Qu'y a-t-il ? Nous ne pouvons retourner à la ville. Des enfants difformes de petites personnes. Eh bien, restez dans cette forêt, tout simplement. Mais on peut vivre ici. Ici, c'est la forêt des chimères, vous voyez ? Tout le monde peut vivre ici, toutes les chimères. Ils viendront tôt ou tard nous reprendre. Je serai là, ne vous inquiétez pas. Tu nous protégeras ? Oui. Alors il faut libérer notre village avant que d'autres miliciens ne viennent pour ravir les nôtres, nos parents, nos frères et nos sœurs. Où est ce village ? Quelques jours d'ici, en suivant la route. Bien. C'est le village de Kersef. Et vous pensez que ces personnes qui vont prendre vos parents et vos sœurs, ils seront là dans à peu près combien de temps ? Comment pourrions-nous savoir ? Nous savons juste que ils traquent tous ceux qui sont différents. Qui, comme, je le sais très bien. Comme nous, sont affectés de difformité, que ce soit la naissance ou... Ne vous inquiétez pas, je m'en le mal du bois qui les ronge. Ils les jettent dans leur chariot et on dit qu'à Kiev, ils graissent de grands bûchers. Oui, j'ai déjà été brûlé. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que ça fait. J'ai déjà été pris. Mais je me suis échappé et j'ai survécu aux brûlures. Grâce au mâle blanc qui m'a épargné. Tu leur expliques comment tu as vaincu la pieuvre. Je leur explique comment j'ai vaincu le chef des Ouros qui voulait me faire brûler. Je leur explique tout ce qui m'est arrivé. Et lorsque je leur ai tout expliqué, je leur dis à la prochaine et je vais vers ce village. Mais nous venons avec toi, nous n'allons pas aller à Kiev où on nous brûlerait. Nous t'accompagnons. Ok. Mais ensemble, nous protégerons tous le village de Kersef. Faites très attention. Quand j'ai faim, je ne reconnais plus mes amis. Nous te transporterons dans le char roi. Et le baudet qui tirait le chariot sera bienvenu pour les travaux des champs à Kersef, pour les moissons. Restez ici, mettez-vous en sécurité. J'arrive tout de suite. Je te propose de partir. Moi, ce que je leur dis, enfin, je refuse son offre en leur disant que j'y vais seul, à pied. Personne ne te connaît au village. Ah, j'ai ma petite réputation. Le poulpe. Mon nom n'est pas le poulpe. J'ai peut-être vaincu un poulpe, mais je m'appelle pas le poulpe quand même. Mon nom est Ellie. Ne me serrez pas la main, vaut mieux pour vous. On aurait le mâle blanc comme eux. Ah oui, malheureusement. Mais tu sais, le mâle blanc, il est partout. À Kersef, il ronge sur pied les cultures. Moi, c'est répandu sur toute la vallée. Moi, je le contrôle. Entre guillemets. Il m'a à semi-mangé. Mais... maintenant, je suis capable de répandre le mal blanc. Comme le coronavirus. Mais pourquoi ? Mais pourquoi répandre le mal blanc si ça nous empêche de nous nourrir ? Mais non ! Grand poulpe. Déjà, arrête de m'appeler grand poulpe. Je m'appelle Ellie. Ellie le poulpe. Si vous répondez... si vous répondez... c'est une petite fille qui dit ça... si vous répandez le mal blanc partout sur les sangs, et ben on n'aura plus rien à manger après. Et puis on aura le vent tout creux et on criera famine, famine. Mais non. Je vais contaminer que ceux qui le méritent. Pas vos plantations. Bien sûr. Que les ouros. Ah, tu as terrassé deux ouros? Mais ils sont innombrables dans la cité. J'en ai pas terrassé que deux, j'en ai ramassé au moins une centaine. Alors, ils sont bien plus d'une centaine à Kiev. Je m'en occuperai quand même. C'est une bien rude guerre que tu veux déclencher. Je ne suis pas seule, vous voyez. J'ai deux, trois connaissances. Je ne sais pas. Ah oui, on est là. Je parle d'une autre personne, mais je sais pas vraiment où est cette personne. Elle s'est fait attraper par les ouros. J'ai vu une fois, mais elle avait vraiment changé. C'était devenu un putois. C'était devenu un putois. C'est son nouveau métier. Et je me suis promis de tuer... c'est une change-femme. Le petit garçon se signe aussitôt. Moi, je veux pas avoir affaire avec des choses qui sont contre nature. Je suis peut-être boiteux, mais je suis pas canard boiteux au point de renoncer aux dieux. Au bon vieux. Et un ours s'approche avec une autre troupe pour voir ce qui se passait et essayer d'attraper toutes les chimères qui s'étaient échappées. Et je les attrape, je les écrase au sol, je leur fais boire le mal blanc, je les fais mourir du mal blanc. Je leur fais ce qu'ils méritent. De fait, tu aurais pu avoir une cour innombrable, quoique famélique. Mais si tu avais dénombré une douzaine de ces gamins difformes entassés dans le charroi, lorsque tu étais au haut de la crête, une fois que tu as défait la petite troupe de miliciens ouros, pour contempler ton œuvre, il ne reste plus que la petite Irina et le jeune Dimitri. Ils sont pas avec vous, les autres ? Tu leur as fait peur, et puis après ce ce qu'ils ont vu, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est que c'est encore pire de rester avec toi. C'est vous qui vouliez rester avec moi. Parce que t'es... Une chose surgit du bois. Mais au moins, les ouros, ils ont peur de toi et tu peux les défaire, alors on reste avec toi. Je préfère ça. On sait que t'es pas une horreur, t'es un enfant comme nous, mais... s'en venir. Et même si t'as un grand pouvoir, tu pourras pas tous les défaire. Il faut qu'on trouve d'autres partisans pour mener notre guerre. Il faut surtout que je retrouve Boudin. Bah, je te proposerais bien de faire du boudin de milicien, mais... Mais non, ce que je veux dire, c'est que j'ai une amie qui s'appelle Boudin. T'avais bien compris que c'était ta ne copine. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Que t'es copain avec un boudin qui s'appelle Putois. Non, c'est un Putois qui s'appelle Boudin. Mais normalement... Qu'est-ce que je viens de dire? Non, t'as dit l'inverse. Enfin bref, nous y allons. On va pas y passer des heures, quand même. C'est pas juste d'avoir une famille qui peut souffrir, ok? Alors, j'obtiens 5. J'ai 2 léchés en ivraie. 6. Donc. C'est une confrontation. Je t'ai dit que je pouvais... pile poil ce qu'il faut comme... ivraie. C'est pour nous deux ou c'est juste pour lui? C'est juste pour lui. Hein. Il assume ses bêtises. Moi, je suis une moufette. Et me faire détruire. Je le sens. Je prépare tes funérailles. Comme je rigole, je te fais confiance, meurs pas. Alors c'est quoi de pas mourir? Ou alors réincarne-toi. T'inquiète, je vais me réincarner. C'est cool, bon, là tu sais, je veux réincarner en licorne. Non. À chasser la brume qui Christine. Elle se déverse et... sous le pas, l'humus qui recouvre la voie déchue devient un immense bourbier. Vous devez bientôt abandonner totalement le chariot. Que faites-vous du baudet ? Du cheval ? Du baudet, de l'âne qui tirait le chariot. Moi, je propose qu'on monte sur lui, non ? Je te juge sur le baudet ? Oui, je leur propose de monter. Vous voulez monter ? Tu grimpes dessus sans... trop de difficultés, tu l'as décelé du chariot où déjà les cadavres des ouros sont recouverts uniformément d'une gambe blanche cotonneuse. Pareil à la barbe d'un vieillard. Une gangue qui semble se répandre et avoir contaminé jusqu'au chariot. Vous les avez vus choir plus tôt dans la journée, quelques heures seulement auparavant. Et déjà, l'odeur qui se répand est celle du temps de la cohorte de nécrophages qui viennent à ronger les chairs autour des os. Il se dégage une odeur pestilentielle du chariot qui s'est enlisé sur la voie déchue. Et lorsque tu te hisses sur le brave Horace, le baudet fraîchement dételé, celui-ci roule des yeux effarés et s'éloigne précipitamment. En ahanant sa trouille, tu le maîtrises en tirant sur ce qui te tient lieu de reine. Son harnais, ce qui reste du harnais qui le... qu'utilisait le milicien comme guide. Il s'arrête en frissonnant. Tu l'as saisi au col pour le calmer, le flatter, le rassurer. Et tu vois sous ta main qu'il y a un peu de ce duvet blanc qui se mêle à ses poils. Oh, dommage. Je vais devoir faire le chemin à pied. Tu abandonnes le brave Horace ? Oui. On ne peut pas le ramener à Kersève ? Non, c'est trop tard pour lui, malheureusement. Oh. La Stonitska saura le soigner avec ses simples. Elle saura endiguer le mal blanc qu'il a. C'est ça que tu redoutes ? Oui. Le poulpe. Ellie, pas le poulpe. On va le tirer, on va le mener à la longe. On restera loin derrière toi. Tu ouvres la marche jusque Kersève. Il suffit de suivre la voie déchue. Au moins jusqu'à la nuit et une partie de la journée prochaine et nous devrions y être. Bien. Yeah. Les deux enfants s'entretiennent. Il y a quoi? Pourquoi vous chuchotez? Maître Ellie, le peu. Ellie, on risque pas d'être couverts nous aussi par ce mildiou que tu réponds? Si je vous touche pas, ça devrait aller. Est-ce que je vous ai touché pour le moment? T'as bien failli, hein, quand tu m'as dit de monter sur Horace. C'est parce que tu voulais que ce moisse devienne toute blanche, mais comme non, des cadavres. J'avais complètement oublié, c'est bon. Je ne maîtrise pas encore ça. Si on les laisse comme ça dans le chariot à pourrir, eh ben, on va répandre des choses infâmes sur la route, sur la voie déchue, et ils reviendront nous tourmenter. Il faudrait leur offrir une tombe décente et leur dire une petite prière. Ok. Même s'ils sont des ouros. On peut ça vite fait. Je n'aime pas trop prier pour mes ennemis. Vous comprenez? Et si on ne leur offre pas une sépulture décente, allez. Et alors que vous creusez, la pluie, l'orage redouble. Et sitôt que vous dégagez un petit trou, il se comble de boue et d'eau. Vous voyez, on va pas pouvoir. C'est pas possible. À croire que le vieux, il veut pas qu'on leur donne une sépulture à ces mécréants. Peut-être que ils se sont égarés dans leur foi, même s'ils ont la croix sur leur poitrine. Elle n'était pas bien enchâssée au cœur. Et la mort dans l'âme, en regardant fréquemment par-dessus leur épaule, tirant Horace, qui ne semble pas très désireux de s'éloigner sous la pluie ou cheminer dans ton sillage, vous éloignez. De fait, tu es obligé de marcher loin devant eux. Car sitôt que tu es trop proche d'eux, Horace renacle et refuse d'avancer plus avant. Il a l'air terrorisé sitôt qu'il flaire ton odeur. Et la petite fille a une brillante idée, elle cueille quelques chardon sur le bord du chemin et les remise dans sa manche et attire ainsi Horace lorsqu'il renacle le trou. Mais vous avancez tout doucement sur ce chemin sous la pluie, une pluie battante qui ralentit les deux gamins qui se tiennent derrière toi, tout frissonnant, tout couvert de boue. Bientôt, ils interpellent. Maître Poulpe. Ellie. Maître Ellie, on a faim. Oh, j'ai pas trop mangé. Fallait que ce soit maintenant. Bon, vous voulez manger quoi? Quelque chose qui se mange. J'ai vent qui crie famine, comme je vous le disais, et il n'y a rien qu'on ait pu sauver du charroi. Tout était recouvert de ce duvet blanc. Heureusement que j'ai une petite barre céréale été. J'ai une petite barre de céréales. Une barre de céréales? Oui, c'est une... En fait, c'est un bâton avec des céréales dedans. Dans un papier qu'on doit retirer. Comme ça, ça protège du mal blanc. Quand tu l'ouvres, c'est entièrement couvert de... ce duvet blanc cotonneux. Ah, c'est pas possible, ça! Et ça dégage une odeur de charogne, de pourriture intense. C'est resté trop longtemps dans ma poche. Désolé. On pourrait peut-être aller traquer quelques bêtes aux abords, mais... Ah, mais je croyais que vous étiez végétarien. Oh, mais aussi, il fallait vous dire que vous étiez pas végétarien. Ah, on va pouvoir se faire un régal, non? Bah, on va traquer quelques bêtes dans le bois. Mais faut pas s'éloigner trop de la voie déchue, parce que le bois autour, il y a des bêtes qui rôdent. Quel? Pas plus de 50 pas, elle dit la mère. Ok, on reste et, à pas. Et c'est comme ça qu'on s'est fait prendre. On s'est éloigné, tant éloigné que on s'est perdu. Ok, on va à pas plus de 50 pas. Tu lances un des 4. 3. En farfouillant dans les buissons les plus proches, dans une dépression où t'ont guidé de magnifiques papillons qui cherchaient le couvert et la protection des premiers arbres, de grandes fougères licoreuses. Tout est affaire de doigté, il faut les arracher sans se couper, car c'est bien connu, c'est atrocement coupant. Mais à l'intérieur, il y a un suc particulièrement délectable, comme du miel. Et ça remplit bien la panse et ça trompe la faim. Ta récolte, tu pourras manger, toi et l'un des enfants, ou les enfants pourront manger. Je laisse les enfants manger. Peut-être avidement. Alors, vous avez plus faim? Ah, grand merci, maître poule. Ellie! Oh, non mais oh. C'est gentil de pourvoir aux besoins des petits du bois de Kersef, que tout le monde oublie. Bah, j'avoue que personne ne m'a donné de trucs, donc je préfère faire mais vous toi, donner tu ça. Mais toi, tu ne manges pas. Je mange d'autres choses. Peut-être avidement, chaque fougère. Ils en ont partout, leurs feux sont tout collés maintenant, la pluie a cessé. Et tu les vois tout frissonnants, ils ont... La jeune fille a une vieille robe toute rapiécée, avec plein de petits boutons qui constellent la robe où les trous sont les plus... criant et réunissent, referme une robe qui a dû être celle d'une adulte, une robe à mousseline blanche qui n'a pas sa place en pareil lieu. Elle est toute constellée debout et encore plus déchirée maintenant qu'ils se sont aventurés dans les ronciers pour rejoindre le lieu où tu as trouvé les embrasser de fougères licoreuses. Je vous propose qu'on retourne sur la voie. Tiens, mon écharpe. Avec son bloc, toute frissonnante. T'as toujours froid ? Vous ne sens-tu pas le vent ? Pourtant, c'est le temps des moissons. Il devrait faire chaud, mais... Je suis un chat, j'ai jamais froid. C'est logique. Elle frictionne énergiquement sa peau et tu vois l'étavelure qui macule ses bras prendre une teinte violacée à force qu'elle frotte pour se donner chaud. Dimitri, quant à lui, claque des dents sur place. On pourra même pas faire un feu tellement il a plu toute la journée pour se réchauffer. On se croirait au cœur de décembre, alors même que c'est le temps des moissons. T'imagines la petite qui va arriver au pied. S'il a plu comme ça, ça va être tout noyé. Ça j'ai va pas pourrir. Mon pull ou en dessous, il y avait un t-shirt aux enfants. Voilà. Te regarde avec quoi? Un mélange de d'effroi et de surprise à te voir ainsi dépoitraillé, laissant apparaître tes chairs. Non, j'ai un t-shirt en dessous. Ce que tu appelles un t-shirt, c'est grandement échancré et c'est tellement distendu et vieillot et étriqué que on y discerne au travers toutes les afflictions de ta peau, toutes les couleurs changeantes, toutes les blessures, toutes les bleus, toutes les griffures et traces de maltraitement. De maltraitance. Ah. Au-delà de la maltraitance, ce qui semble encore plus les choquer, ce sont les chairs à nu irritées sur ton épaule. Mais tu n'as pas froid, maître Poulpe? Je suis un chat. Tu es... Non. Bah, tu n'as pas de poils. Bah, ou alors, tu es un chat étrange. Bah, je suis comme vous. Je suis une chimère comme vous. C'est un fanu. C'est un fanu, c'est ça, il a raison, Dimitri. J'ai rien dit. Bah si. Les feuilles alentour sont drossées par un vent qui vient à chaque bourrasque emporter les feuilles et les drosser au visage comme si vous étiez en proie au ressac d'une mer forestière qui viendrait lécher la berge que constitue cette voie déchue, abandonnée, oubliée de tous, au cœur du néant, Terminus, guerre 16, Ukraine. Il y a ce vent. Il y a ce vent qui souffle et souffle. Les deux gamins arrachent d'autres fougères, reprennent les fougères et la petite Irina en vient à les tresser entre elle et son frère l'aide de ses mains tremblantes. Et nous, on va se faire un chat. Les aide. gère dans ce bois où le vent ne drosse pas les nuages pour approcher la lumière, non. Il souffle toujours plus de froid et tu vois les lèvres de tes deux petits compagnons bleuir. Bleuir de ce froid qui leur mord le dedans du corps. S'apesantissent, s'enquistent en eux et semblent les réduire à l'état de petites marionnettes qui seraient ballottées par ce vent qui souffle du dedans du bois, qui en vient à ébranler les massifs de ronciers. Et tout autour, la forêt bruisse de sa vie foisonnante. Tu as vu des crottes, des traces de pattes, plein de traces, des traces, des odeurs. Tu as vu des crottes, parce que si le froid ne te tenaille pas, contrairement aux enfants, tu le vois en eux, tu le vois. Les enfants, ça va? Tu le vois les gagner peu à peu. Ils sont comme endormis. Leurs gestes se trouvent ralentis alors que frénétiquement ils tressaient les longs rubans de fugère entre eux pour en faire un châle de fortune. Ils sont maintenant à la peine, ne serait-ce qu'à plier l'un sur l'autre les rubans. Ils vont comme de petits vieillards moribonds au bord de la voie déchue. Et tout autour, tu entends le bois et ses cris. Tu entends des mugissements dans ce bois, comme ceux du cerf au temps des moissons, quand il veut répandre son foutre et féconder sa femelle. Un cerf en majesté qui serait tout proche, puissant. Mais tout autour, il n'y a que la boue, les ronces et les troncs immenses. Des grands feuillus, pas des frêles bouleaux que tu as connus jusqu'à présent au pays Ouros, non. Des chênes massifs, centenaires, couverts de mousse, baignant dans une forte odeur de champignons. Et le vent apporte cette odeur, elle vient jusqu'à toi. Elle vient s'immiscer dans ta main avec les bourrasques, le ressac de la mer forestière qui vient par vagues successives comme une onde qui parcourrait la fourrière dans laquelle vous vous trouvez désormais. Car le chemin, on le devine à peine, ce sont de grandes mares boueuses que vient rider par intermittence les coups de vent, la bourrasque qui enfle est toujours plus puissant le bruit des insectes et cette mer forestière qui vient jusqu'à toi et qui mugit. Stop. Viens, petit. Qu'y a-t-il? Viens, petit. Que voulez-vous? Retrouve-moi au marais. Que voulez-vous que je fasse au marais? Que tu défasses le défaiseur. sa défaite. Je veux. Viens au marais. Joins-toi à moi. Qui es-tu? Akbadam. Viens au marais. Tu ne sais si c'était son nom ou au loin l'orage qui gronde dans le vallon. Qui es-tu? Une odeur forte de végétaux en décomposition. Une odeur de crotte. Viens au marais. Viens. Quel est ton nom? Enfant. Sarcophage, renonce à Veik, le défaiseur, rejoins-moi. Quel est ton nom? Je t'aiderai dans ta guerre contre les ours. Promettez-le-moi. Avec moi, tu répondras à la pestilence à Kiev. Répondez-le-moi. Promettez-moi que vous m'aiderez. Je t'aiderai à répandre la... Promettez-le-moi. Je t'aiderai okay, c'est à répandre la pestilence de juste Kiev. Mais promets-moi. Toi, promets-moi. Là. Au milieu de la mare émerge une main de boue qui se tend vers la tienne. Promets-moi en retour. Que dois-je promettre? De défaire le défaiseur. Qui est le défaiseur? Vic. Promets-moi. Je ne sais pas. Promets-moi. Et la main se tend vers la tienne en crochet pour vous lier. Promets-tu? Je vais essayer. J'ai dit essayer. Pas besoin de m'écraser la main. Nous sommes mêlés. Dommage pour vous. Tu sens tes os, tes articulations, tes cartilages craquer sous la pression boueuse. Mais mon sourire continue. Si ton sourire se répand sur ton visage, ta main est comme gangrénée de noir. Ah bah ça y est. Noir et blanc. Le retour. Ta peau, jusque-là blanche et duveteuse sur la main, sur le revers de ta main, est constellée de petites croûtes noires. C'est de la boue qui se répand. Tu es là, les deux enfants sont frigorifiés devant toi. Tu as de la boue noire tout autour des mains. Je crois qu'il est un change-forme et parle la langue putride. De quoi vous parlez? Il a juste mué, ne vous inquiétez pas. Non, il n'a pas mué. J'ai entendu des voix. Comme tout le monde ici, merci. Ah, ça, c'était mon ami, c'est pas la même chose. Les gens t'ont parlé. Les putois maintenant. Ah, bonjour, Boudin. Bon, je vais t'appeler Leslie, ça fera mieux. Oh. Elle veut ma main, ta copine putois. Ah, ça va.